Ok. LCC, TIPOUG. One shot remake. One life. Ok, ça fait. Viens juste représenter plus qu'un temps de pour me présenter. J'en balayais les prétentieux, les pessimistes, les présomptueux. Ma présence fait que les MC décèdent. Appelle-moi Dexter, au dessert les coupes offertes. C'est juste ta beauté qui m'obsède. En effet, j'ai annoncé qu'on essaie de me menacer. Vous me lassez donc je m'assois juste pour vous assassiner. Je ne suis pas fasciné par François Fillon à l'Elysée. Je signerai la pétition pour un Blackman à l'Elysée. Abusé, j'entends cracher, je sais que certains hallucineront. Suivez-moi, pareil, si belle blonde pour te casser le rectum. Mon foot danse comme Jackson, intrigue même les femmes old. Porté par la chose, les fâchés vont lâcher des sales paroles. J'en fais pas de sales paroles. Je plais pas comme Jack Sparrow. La vie, je la vois pas en rose. Entouré de slim et de garrot. Dans la bine, cache, pète le carreau. J'ai que 19 carats. Carrément, tu pètes un bleu qu'à colson. Sors de l'avocat. L'avocat est local et retrace tout mon parcours. Je plaide coupable, c'est normal. Mon flow a tiré 18 coups. Tu comptes les douilles. T'as peur de pas en découdre. Donc, du coup, tu sors le coupe. Coupe à défaut du coup de coude. Mon pouce tourne, j'ai le coup de foudre. Un arrivage de poule douce, t'es ouf. D'où je ferai le mec tant tu mérites qu'un bon coup de couille. Je trouve que le bouffon âgé et que ce soldat qui réagit, même réactif, esquive la gifle de Homer Corneli. Les bons payeurs ne sont pas forcément joueurs. Y'a des jours te donnent ton dieu et d'autres te demanderont le leur. Y'a des gens qui vivent juste en attendant leur heure. Y'a des gens qui te pillent dur juste pour avoir des feuilles. Te volent ton portefeuille, tu sais même pas l'endroit et l'heure. Tu cherches pour trouver ton erreur, c'est de ne pas l'avoir mis ailleurs. J'ai jamais été mis à mort, même si les italiennes me tentent. Même si l'histoire dure un temps, il faut tâter les autres. Un peu ça, je l'ai grappé en planche attelée. On entend tout le monde jacter, autant technique que pastoré. Par ailleurs, je suis pas restauré. Laisse le but tourner d'emblée, j'ai de faire trembler même sans ampli. Des lyrics assez osés, c'est plus dur de réaliser. Je rêvais de la monnaie, monnaie, avoir le black rap violet. Toujours en train de charbonner. C'est comme ça que je voulais décoller. Des connards, j'en ai baisé, certains trouvaient ça dégueulasse. Des grenades, j'en ai lancé, toujours planqué derrière le mic. Car j'en ai marre, tu joues le mal, je sonne le mal, parle mal, mon flanc. Couche là, c'est normal, un goût de chat te fond ta sale, t'es sérieux. Je savais que je me suis pas, ça agit, ce serait mieux. Si Marine avec son boulet s'agit, et ça y est, c'est parti pour une démo facile de style. C'est T-Book qui est sorti avec son démon hostile. Où es-tu? M'entends-tu ou t'es un pensant en rupture? Je sais pas si t'assumes après toutes les mesures. Va chercher du taf au lieu de galérer à Châtelet. Avant de découvrir que ta perte se résume à un chapelet. Juste un chapitre de ma vie se terminera à la chapelle. Avant j'appelle ta cousine juste pour lui dire qu'elle me plaît. Pour qu'elle se baisse, je mettrai pas loin d'une semaine. Si tu me croises dans les parages, ne me quitte pas d'une semelle. Je me mêle de mes affaires et tu devrais faire de même. Si tu savais ce que je pense, tu ne dirais pas à demain. À dommage, il y a personne pour voir que je t'ai causé du tort. Plus le temps, tu cherches un camp pour t'y planquer un certain temps. Serge attend un signe bien blanc, je ne vois que des cigognes. Si je cogne toutes ces potes, c'est parce que mon esprit le demande. Ok, je ne suis que le reflet de tes propres actes. Donc si tu ne veux pas des tartes, ne me fais pas de mauvais présages. Encore un homicide insolite à élucider. Attends au moins que je termine avant de te suicider. Apprécie la qualité, c'est comme épiné ou les ragnés. Après ce morceau je finirai sans souffle, il faudra me ramener. Dans l'arbre j'ai ramé, c'est pas pour être acclamé. Arrête de parler ou tu vas te faire calmer. J'ai calé quelques mesures en pagaille. On verra si dans quelques années je vis ou pas dans un palace. Âme sensible, restez pas là. Car c'est pas du Aurel San. Hier soir dans l'avocat, t'as fini entre quatre lames. J'fume de l'amnésia, aïe, tu trouves ça insupportable. Tu crois pas tes yeux car dans mes mesures j'assure le taf. T'assumes même pas quand tu parles de moi. Quand je m'approche du mac je sens la peur en toi. Dans les parages je ne vois pas d'éclairage. Sans faire le rage je ne vois pas de Jessica Alba. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un, ok, ça fait un. Là, caca c'est Will Jim là, m'entends venir en Mika, Yoka dit c'est en kamikaze. Y'a du flow, y'a de la phase, je passe même à capella. Appelle à ma coumé qui l'a, y'en a plus qu'on m'a dit qu'il a. Ok, tu vis là, caca c'est Will Jim là, m'entends venir en Mika, Yoka dit c'est en kamikaze. Y'a du flow, y'a de la phase, je passe même à capella. Appelle à ma coumé qui l'a, y'en a plus qu'on m'a dit qu'il a.